L'invité du jour, animé par Stéphane Weiss. Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Francis Martin. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir sur votre antenne. Francis Martin, vous êtes le président de l'association Les Confituriades et le président aussi de la manifestation Les Confituriades qui se déroule à Beaupuy les 19 et 20 août. Alors tout d'abord, comment s'organise ce salon de la confiture ? Alors le 19 et 20 août, le salon au cours des Confituriades, donc vous avez un salon de la confiture où vous avez différents confituriers et du monde entier, puisque outre les Français, nous aurons un confiturier algérien, un confiturier brésilien et une confiturière québécoise. Ce salon de la confiture existe depuis, c'est la 9e édition hein, cette année. Ouais. Il y a combien d'artisans qui participent ? Alors, nous avons 38 confituriers qui vont venir, plus après des traiteurs, plus après des pâtissiers. Voilà, donc c'est un salon qui est très ludique, très sucré, où il y aura beaucoup de démonstrations de confituriers, mais aussi de pâtissiers locaux, Christophe Lancointre, maître pâtissier à Marmande, Lydie Massé, traiteur à domicile et pâtissière à domicile, et Cyril Carini qui a gagné la saison 4 du meilleur pâtissier de France. Bon, du beau monde alors, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc, Christophe Lancointre va nous présenter en exclusivité le Beaupuy. Voilà, qui est un gâteau à la confiture qu'il confectionne depuis un an, dont j'ai suivi l'évolution et qui est remarquable. Et Cyril Carini, lui, nous fera des desserts à base de confiture et de framboise. Et Lydie Massé nous présentera la grande tarte des confituriades. Alors justement, le public peut rencontrer des confituriers, peut déguster les confitures, mais les gens peuvent aussi confectionner des confitures. Alors, les gens ne peuvent pas confectionner des confitures, mais ils verront, ils découvriront les secrets des confituriers, puisque de nombreux confituriers feront les démonstrations et montreront leur savoir-faire, comment réaliser une bonne confiture. Voilà, donc ils auront le chaudron et ils expliqueront les différentes proportions, leurs secrets, ils dévoileront plein de petites choses comme ça devant le public. Voilà, il y aura toutes les heures, il y aura des démonstrations, soit de pâtisserie, soit de confiseur. Voilà. Alors les Confituriades, c'est aussi un championnat du monde de confiture. Comment ça se déroule ? Alors le champion du monde des confitures, donc des confituriers du monde entier et de quatre continents, nous envoie des confitures dont le thème est la cerise. Mmh. Il nous envoie 6 pots, 3 confitures différentes. Le jury est présidé par Bruno Oliver, qui est descendant d'une dynastie de cuisiniers, puisque oui, bien connu. Son père était Michel Oliver, et qui était le premier chroniqueur à la télé, et son grand-père était Raymond Oliver, qui a fait des émissions culinaires, absolument. Et qui était multi-étoilé au Grand Bréfour, entre autres. Et le jury est composé de confituriers, de restaurateurs, de professionnels de la gastronomie. Donc ça c'est le jeudi, le samedi plutôt, le titre sera dévoilé le dimanche à 18h. Et nous avons des confituriers de quatre continents, puisque nous avons reçu dernièrement des confitures de Taïwan, entre autres. D'accord. Taïwan, Ukraine, Québec, Brésil, Portugal, Espagne, Allemagne, Algérie et bien sûr Français. Alors durant ce salon de la confiture, il y a de nombreuses animations, et notamment des animations musicales et des spectacles aussi. Voilà. Donc dans le salon de la confiture, donc, vous avez des confipasses. Le prix est de 3 euros la journée et de 5 euros pour les deux jours. Une fois que vous avez ce confipass, vous rentrez et vous assistez aux démonstrations et à tous les spectacles, que ce soit musicaux. Donc le samedi après-midi, nous avons une bande d'âge qui sera là. Nous avons Luz Reules, un spectacle folklorique à 15h. Nous avons un chanteur de rue et à 21h, nous avons une revue cabaret dans le cadre du Collinéum. Tout ça pour la modique somme de 3€ ou de 5€ si vous prenez les deux jours. Autre attractivité, c'est le petit déjeuner du dimanche. Le confit passe vous donne droit au petit déjeuner qui est servi de 6h30 à 10h30. Alors pas de beurre, mais beaucoup de confiture. Alors, il y a aussi une confrérie de la confiture. Voilà. Cette manifestation ne pouvait se passer de la confrérie des confitures. Cette confrérie est là pour promouvoir la confiture. Mmh. Et cette année, nous aurons la chance et le privilège, entre autres, d'introniser dans la confrérie un célèbre sportif lot-et-garonnais qui vient de prendre sa retraite, c'est Pierry Fédrigo. 4 étapes autour de France, de nombreuses victoires, entre autres le championnat de France, les 4 jours de Dunkerque, l'étoile de Bessèges et le critérium tensional et bien d'autres encore. Les intronisations auront lieu le samedi à 18h avec en présence de différentes confréries du Lot-et-Garonne, telles que le jambon de Tonnens, les côtes du Marmandais, qu'est-ce qu'il y a encore, la pomme d'amour de Marmande et bien d'autres confréries ensemble qui nous font l'amitié d'être présents lors de nos manifestations. Alors voilà, les confituriades, c'est donc le 19 et le 20 août à Beaupuis. Qu'est-ce qui vous a motivez-vous pour vous investir dans les confituriades? Alors moi, c'est vrai que je suis un peu un épicurien, j'adore les confitures. Avant d'être président, j'ai participé au concours amateur, puisqu'il y a aussi un concours amateur de confiture. C'est-à-dire que chacun peut amener 3 pots de confiture différentes ou les envoyer à la mairie. Et le dimanche, il y a un jury de professionnels aussi qui jugent ces confitures. Ce concours est doté de cadeaux très intéressants. Hein, voilà. Moi, ce qui m'a motivé, c'est aussi l'implication d'un village autour d'un thème festif qui est la confiture. Hein. C'est 100 bénévoles, une centaine de bénévoles de Beaupuis et des alentours qui s'investissent pour faire 2 jours une animation très sympa. Voilà quoi. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le Marmandais est la deuxième zone de production de confiture. C'est aussi plus de 600 emplois directs dans la confiture, sans compter les indirects, puisque nous avons 2 partenaires, que sont la société Georgelin et la société Saint-Dalfour, qui sont Georgelin, qu'on ne présente plus, qui est le numéro 2 français au niveau de la confiture. Quoi. Et quelles sont vos spécialités, vous, Francis Martin? Moi, alors j'ai une confiture de poivron jaune au sauterne, qui n'est pas désagréable. Original, en tout cas. J'ai fait de l'abricot à la lavande. Oui. Pour la prune dente. On ne peut être du Lot-et-Garonne bien sans sûr faire des confitures de prune. Et la confiture de poire. J'aime beaucoup travailler la confiture de poire. Voilà. Bon, donc de multiples talents en termes de confiture, alors. Je ne sais pas si j'ai du talent, mais enfin, je les trouve bons. Hein. Je crois qu'on apprécie ce que l'on fait. C'est ça qui est important. Donc les confituriades, c'est à Beaupuis les 19 et 20 août. Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires en téléphonant au 05 53 64 32 24. Et puis il y a un site internet, c'est www.confituriade-6beaupuis.com. Merci beaucoup. Je voudrais préciser qu'il y a aussi un vide-grenier le dimanche. Oui. Et il y a un espace restauration et un beau feu d'artifice le samedi soir. Voilà. Et la clôture des confituriades, c'est le dimanche à 19h, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà. Avec la programmation des résultats du champion du monde. Parfait, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Francis Martin. Mais c'est moi qui vous remercie. Et très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Stéphane Weiss.